En Corée du Sud, le site d'internet de l'université Yonsei a véhiculé à la grande attention du public le roman « Histoire d'une princesse » satirisant Park Geun-hye et Choi Soon-sil, auteurs de l'affaire d'offense à la politique d'État, ainsi que Choi Tae-min qui, avec sa fille Choi Soon-sil, a manipulé Park Geun-hye telle une marionnette.